Chapitre 2. Elle croyait vraiment que l'assassin de Kershaw était assis au banc des accusés, et elle étala violemment, haineusement, sa douleur. Les sanglots finirent par étouffer ses paroles. Quant à Muller, il était gras, huileux, pompeux et conscient de son importance comme témoin. Ses doigts gras, couverts de bagues de cuivre, serraient les deux lettres que vous savez. Il fut abandon en réponse et multiplia les accusations contre le millionnaire qui avait attiré et tué son cher ami Kershaw dans Dieu sait quel coin désert de l'Est de Londres. Je crois que l'avocat de Smethurst, Sir Arthur Inglewood, désappointa beaucoup Muller en ne le questionnant pas. Lorsque l'Allemand eut emmené hors de la salle Mrs. Kershaw presque évanouie, l'agent D21 vint déposer sur l'arrestation. Le prisonnier, dit-il, paraissait stupéfait et ne pas comprendre l'accusation portée contre lui quand on l'arrêta. D'ailleurs, mis complètement au courant des faits et comprenant sans doute l'inutilité absolue de toute résistance, il avait suivi paisiblement l'agent dans un cab et personne, dans l'élégant et encombré hôtel Cécile, n'avait même suspecté que quelque chose d'anormal venait de se passer. L'agent sortit, un grand mouvement de curiosité courut parmi les spectateurs, car James Buckland, porteur à la gare de Fenchurch Street, commençait sa déposition très attendue. Au fond, elle ne contenait pas grand-chose. À 6 heures de l'après-midi du 10 décembre, au milieu d'un des brouillards les plus épais dont ils se souviennent, le train 55, venant de Tilbury, arriva avec 1 heure de retard. Lui, Buckland, se trouvait sur le quai et fut appelé par un voyageur de première classe. Celui-ci était complètement dissimulé dans une énorme pelisse et sous un bonnet de fourrure. Il avait beaucoup de bagages marqués FS et il ordonna à James Buckland de les amarrer tous sur une voiture, à l'exception d'un petit sac à main qu'il portait lui-même. Lorsque tout fut placé et attaché convenablement, l'étranger à la pelisse paya le porteur, dit au cocher d'attendre et se dirigea vers la salle d'attente, tenant toujours à la main le petit sac. « Je restai un instant, » ajouta James Buckland, « à causer au cocher au sujet du brouillard et du retard des trains, puis, comme le rapide Southam venait d'être signalé, je m'en allai. » Le magistrat insista beaucoup sur l'heure à laquelle l'étranger s'était dirigé vers la salle d'attente. Le porteur fut formel, il n'était pas 1 minute de plus que 6h15. Sir Arthur Inglewood, cette fois encore, ne posa pas de questions. On appela le cocher. Son témoignage corrobora celui de James Buckland quant à l'heure où le gentleman à la pelisse l'avait engagé et, après avoir garni de bagages l'intérieur et l'extérieur de sa voiture, lui avait dit d'attendre. Le brave homme attendit en effet. Il attendit même si longtemps dans le brouillard épais qu'il pensait déjà à déposer tous les bagages dans la salle des objets perdus et à chercher un autre client, quand soudain, à 9h15, il vit revenir le gentleman à la pelisse et au bonnet de fourrure qui monta rapidement dans la voiture et demanda à être conduit à l'hôtel Cécile. Cette fois encore, Sir Arthur Inglewood ne fit pas de commentaire. Quant à Francis Smethurst, il s'était mis à sommeiller. Rarement défense et accusé font preuve d'une pareille indifférence. Le témoin suivant, l'agent Thomas Taylor, déclara avoir remarqué un individu mal vêtu, aux cheveux et à la barbe peu soignée, qui traînait à la station et dans les salles d'attente l'après-midi du 10 décembre. Il semblait guetter l'arrivée des trains sur le quai de Tilbury et de Southend. 2 autres témoins indépendants, et qui ne se connaissaient pas, avaient vu le même type errer dans la salle d'attente de première classe à environ 6h15, le mercredi 10 décembre, et allait droit à un gentleman en pelisse et bonnet de fourrure qui venait justement d'entrer là. Tous deux conversèrent pendant quelque temps sans que personne puisse les entendre, puis ils sortirent ensemble. Pour quelle direction, nul ne le savait. Francis Smethurst s'éveillait de son apathie. Il s'entretint tout bas avec son avocat qui s'inclina affirmativement et sourit. Les employés de l'hôtel Cécile déposèrent simplement que M. Smethurst était arrivé le mercredi 10 décembre à 9h30 du soir dans un cab avec quantité de bagages. Cela termina l'audition des témoins. On lut ensuite une lettre du chef de la police de Vladivostok. Elle disait grand bien de Smethurst et confirmait tout ce que l'on savait déjà de lui, notamment la vente de son négoce et son départ sur le yacht Tsarskoe Selo. L'audience, très élégante, attendait impatiemment que Sir Arthur Inglewood prenne la parole. Celui-ci, vous le savez, est l'avocat le plus chic de ce temps. Ses attitudes penchées, son parler dédaigneusement traînard, sont célèbres et même très copiés dans la société. Mais cette fois, la cause paraissait implaidable. le millionnaire sibérien semblait déjà suspendu à la potence, quand Sir Arthur Inglewood se leva et prit une attitude singulièrement élégante derrière sa table. Il y eut des sourires. La pose, lorsqu'on court à une défaite, n'est-elle pas spécialement insupportable? Il attendit, pour mieux produire son effet. C'est un acteur né, et certainement il ne le rata point, quand, en traînant dédaigneusement ses paroles, il dit « On nous accuse d'avoir assassiné un certain William Kershaw le mercredi 10 décembre entre 6h15 et 8h45. Je répondrai en présentant simplement deux témoins qui ont vu ce même William Kershaw vivant le mercredi 16 décembre dans l'après-midi, c'est-à-dire 6 jours après le prétendu assassinat. Vous devinez les faits. Ce fut comme si une bombe avait fait explosion dans la salle. Le président même était frappé de stupeur. On n'en revenait pas. Je n'ai jamais vu une foule aussi violemment étonnée. Quant à moi, ajouta le vieux dans le coin, avec cet étrange mélange de nervosité et de vanité candide qui le caractérisait, quant à moi, j'avais déjà ma petite opinion décisive sur l'affaire et je ne fus pas autrement surpris. Le patron d'un hôtel de Commercial Road, nommé Torani, et un garçon à son service, déposèrent alors tous deux ceci. Le 10 décembre, à environ 3h30, un type mal vêtu entra dans la salle publique et demanda du thé. Il était aimable et bavard. Il dit au garçon que son nom était William Kershaw, que bientôt tout le monde parlerait de lui, et que grâce à un coup inattendu de fortune, il allait devenir très riche et autre sottise. À peine son thé pris venait-il de partir, que le garçon s'aperçut qu'il avait oublié son parapluie. Il courut après lui, mais ne l'aperçut pas. Selon la coutume, Signor Toriani mit le parapluie soigneusement de côté dans son bureau pour le cas où le client viendrait le réclamer. Or, presque une semaine plus tard, le mardi 16, à environ 1 heure de l'après-midi, le même type mal soigné vint chercher son parapluie. Il déjeuna là et bavarda encore avec le garçon. Ce dernier et Signor Toriani donnèrent de lui une description qui coïncidait exactement avec celle fournie par Mrs. Kershaw. Il semblait du reste assez étourdi, ce prétendu assassiné, car à peine avait-il tourné le dos que le garçon trouva sur la table où il avait déjeuné un portefeuille contenant diverses lettres et notes toutes adressées à William Kershaw. Ce portefeuille fut aussitôt produit par le signor Toriani, et Karl Müller, rappelé, le reconnut aussitôt pour celui de son cher et templeré ami Filiam. Cela vous démolissait sérieusement l'accusation, n'est-ce pas? Pourtant, il fallait encore expliquer le rendez-vous donné par lettre, la rencontre à la gare, et fournir un exact emploi du temps pendant 2h30 de ce soir brumeux. Le vieux dans le coin fit une longue pause, comme pour taquiner à plaisir mon impatience. Il n'y avait pas un pouce de sa ficelle qui ne fût rempli de nœuds extraordinairement compliqués. « Je vous assure, reprit-il enfin, qu'à ce moment même, tout le mystère était pour moi aussi clair que le jour. Je me demandais comment le président pouvait perdre son temps et le mien à questionner l'accusé d'une façon qu'il croyait serrée sur son passé. » Francis Methurst, qui avait alors dépouillé toute sa somnolence, répondit avec un curieux nasillement et un très léger accent étranger. Il démentit avec calme le récit de Kershaw et déclara qu'il ne s'était jamais appelé Barker et n'avait jamais été mêlé à aucune affaire de meurtre. « Mais vous connaissiez ce Kershaw ?» demanda le président, « puisque vous lui avez écrit. « Pardon ?» répondit paisiblement l'accusé. « Je n'ai jamais, à ma connaissance, vu ce Kershaw et je jure que je ne lui ai jamais écrit. « Vous ne lui avez jamais écrit ?» répliqua le président. « C'est une affirmation hardie, puisque j'ai deux lettres de vous adressées à lui dans les mains. Mais je n'ai jamais écrit ces lettres. Elles ne sont pas de mon écriture. « Et cela, nous pouvons aisément le prouver. » ajouta Sir Arthur Inglewood de son ton le plus fatigué, en faisant passer une liasse de papier au président. « Voici un grand nombre de lettres écrites par mon client depuis qu'il a débarqué en Angleterre, et certaines le furent sous mes yeux. » Comme l'avocat venait de l'affirmer, la preuve était facile. Le prisonnier, à la requête du président, écrivit et signa quelques lignes sur une feuille de papier. Il fut aisé de lire, dans la contenance ahurée du magistrat, que les deux écritures n'offraient pas la plus petite similitude. Un nouveau mystère venait donc de naître. Qui, alors, avait donné le rendez-vous à William Kershaw à la gare de Fenchurch Street? Le prisonnier exposa de la façon la plus satisfaisante l'emploi de son temps depuis son débarquement. J'arrivais en Angleterre sur le Tarsquay Cello, un yacht appartenant à un de mes amis. Quand nous fûmes à l'embouchure de la Tamise, le brouillard était si épais que que je dus attendre 24 heures avant de pouvoir aborder. Mon ami, qui est russe, ne voulut pas m'imiter. Cette contrée de brouillard le terrifiait vraiment. Il continua aussitôt sa route pour Madère. Quant à moi, désertère, je pris le train pour Londres. Je fis placer mes bagages en voiture, ainsi que le porteur et le cocher vous l'ont dit, puis je cherchais le buffet où je désirais me rafraîchir. Comme je traversais la salle d'attente, je fus accosté par un individu pauvrement vêtu qui se mit à me raconter une histoire lamentable. Qui était-il réellement, je n'en sais rien. Il se donnait pour un ancien soldat qui, après avoir servi fidèlement sa patrie, se trouvait dans un dénuement extrême. Il me demanda de l'accompagner jusqu'à son logis, où je pourrais voir, affirmait-il, sa femme et son enfant mourant de faim et vérifier ainsi son récit lamentable. Or, remarquez-le bien, c'était mon premier jour dans la vieille patrie, où je revenais après 30 ans d'absence, les poches pleines d'or, et c'était aussi la première requête qui m'était présentée. D'autre part, je suis un businessman et ne voulais pas être mis dedans. Je suivis cet homme à travers des rues pleines de brouillard. Il marchait silencieusement à côté de moi. Je n'avais pas la moindre notion de l'endroit où je me trouvais. Soudain, je me tournai vers mon solliciteur pour lui poser je ne sais plus quelle question, et je m'aperçus qu'il n'était plus là. Comprenant probablement que je ne lui donnerais pas d'argent avant d'avoir vu sa femme mourante de faim, il avait pris la poudre d'escampette et cherché quelques bienfaiteurs plus crédules. L'endroit où je me trouvais était lugubre et désert. Ni omnibus, ni cab, et il faut être londonien pour savoir combien il est aisé de se perdre dans nos brouillards. Je revins sur mes pas et essayai de retrouver la station, mais je ne réussis qu'à m'enfoncer dans des endroits plus déserts encore. Je restai à errer à tâtons environ 2 heures et demie. Je suis même surpris d'avoir pu tout de même retrouver la station, ou plutôt de m'être cogné dans un policeman qui m'a montré le chemin. Et comment expliquez-vous que Kershaw ait pu connaître votre départ, le nom du yacht, la date de votre arrivée à Londres et tous vos mouvements ? Demanda le juge. Je ne peux rien expliquer de tout cela. Je prouve, n'est-ce pas, que je n'écrivis jamais ces lettres et que ce Kershaw ne fut pas tué par moi. Le reste ne me regarde pas. Savez-vous quelqu'un, ici ou ailleurs, qui ait pu être au courant de vos mouvements, de vos déplacements et de la date de votre arrivée ? Mes anciens employés de Vladivostok étaient au courant, naturellement, de mon départ. Mais aucun d'eux ne peut avoir écrit ces lettres, puisqu'aucun d'eux ne connaît un mot d'anglais. Ainsi, vous ne pouvez jeter aucune lumière sur cette affaire mystérieuse et vous ne pouvez aider en rien la police. L'affaire est aussi mystérieuse pour moi que pour vous et pour la police. Francis Methurst fut renvoyé indemne par le jury, naturellement. Il n'y avait pas contre lui l'ombre d'une preuve suffisante pour qu'on puisse le poursuivre. Les deux points écrasants de sa défense et qui avaient complètement triomphé de l'accusation étaient, premièrement, la preuve qu'il n'avait jamais écrit les lettres donnant le rendez-vous, et deuxièmement, le fait que l'homme qu'on l'accusait d'avoir assassiné le 10 décembre avait été vu vivant, et bien pourtant le 16. Mais alors, qui était le mystérieux individu qui avait instruit Kershaw des mouvements de Smethurst le millionnaire? Ici, le lecteur est prié de se recueillir et d'essayer d'expliquer lui-même ce mystère.